Les jeunes se prennent tous pour Gainsbourg en 2010. Moi je recherche l'amour en 2010. Aime-moi. Les machos à moto font fureur en 2010. Après tout, ce sont toutes des putes en 2010. Aime-moi. Fini le temps où on aimait les artistes en 2010. Moi je suis moche et je suis triste en 2010. Aime-moi. À l'hôpital, on n'est plus seul en 2010. Je cherche à me faire casser la gueule en 2010.